8-21, activation orale, possessif, son, ça, c'est. Regardez l'arbre généalogique de Mireille. Nous parlons de Mireille. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Qui est Anatole Vélo? Et vous répondez. C'est son grand-père. 2. Qui est François Bello? C'est son père. 3. Qui est Guillaume Bello? C'est son oncle. 4. Qui est Philippe Potier? C'est son cousin. 5. Qui est Madeleine Bello? C'est sa mère. 6. Qui est Louise Potier? C'est sa grand-mère. 7. Qui est Juliette Potier? C'est sa tante. 8. Qui est Sophie Potier? C'est sa cousine. 9. Qui est Lucie Potier? C'est son arrière-grand-mère. 10. Qui sont Georgette et Paulette Bello? Ce sont ses tantes. 11. Qui sont Guillaume et Armand Bello? Ce sont ses oncles. 12. Qui sont François et Madeleine Bello? Ce sont ses parents. 13. Qui sont Georges et Yvonne Bello? Ce sont ses cousins, son cousin et sa cousine.